La partie d'échecs par Alfred des Essarts. La ville de Zutphen venait d'être prise et saccagée par les Espagnols. À quelques lieues de là, un château fort occupé par des troupes de cette nation était entouré d'un corps de volontaires flamands, armés pour la cause des 17 provinces unies, et jaloux de tirer vengeance des atrocités commises contre leurs frères. Triste guerre dont le fanatisme religieux fomentait les fureurs, et qui devait se prolonger pendant deux âges d'hommes, couvrir la richesse des lambeaux de la misère, et laisser partout sur son passage la peste et la désolation. Un capitaine espagnol, Don Ramiro Zurbano, tenait pour Philippe II le château assiégé. C'était un chevalier de renom. Il avait servi avec distinction en Allemagne et en Italie, et les confédérés ne pouvaient se flatter de l'espoir d'entrer, lui vivant, dans la place qu'il occupait. Chaque jour, des tentatives de surprise, chaque jour, des sorties vigoureusement appuyées par le canon des remparts, et sans le désir d'obtenir une indemnité de sang pour les excès commis à Zutphen, ce siège eût été bientôt abandonné. Don Ramiro, épuisé de fatigue et se confiant dans la bravoure d'un de ses lieutenants, venait de demander à une courte sieste un peu de repos et de loisir. Il s'était endormi en rêvant de sa chère Espagne, du manoir de ses pères qu'il avait quitté depuis de si longues années pour courir les hasards de la guerre. Rêve charmant, d'où penser qu'il faut étouffer et repousser loin de soi. Tout à coup des cris tumultueux. Le bruit des lances et des épées retentissent aux oreilles du capitaine. Son premier mouvement est de se jeter sur ses armes. Mais il a distingué son nom prononcé par des bouches amies et ne doute pas qu'un avantage n'ait été remporté sur les flamands. Il s'élance vers la première enceinte. Une centaine de soldats, tout couverts de sang et de poussière, y étaient rangés et accueillirent leur chef par de joyeuses acclamations. « Seigneur, lui dit son lieutenant, j'ai fait une merveilleuse prise, comme il ne nous en échoua pas tous les jours. Permettez-moi de vous la présenter. » Et écartant les rangs, il amena par la main une jeune femme dont l'extrême pâleur contrastait avec l'air d'assurance qu'elle affectait. Elle était d'une beauté merveilleuse. Son costume brillant annonçait la richesse. Une jolie camériste, faite prisonnière en même temps que sa maîtresse, l'accompagnait et ne paraissait pas moins émue. « Madame, dit Zurbano avec la galanterie castillane, mais non sans un certain mélange de rudesse militaire, rassurez-vous sur votre sort. Vous serez traité ici avec les égards dus au malheur, jusqu'au moment où votre famille aura, selon l'usage, payé votre rançon. Ah, soyez béni, seigneur chevalier, s'écria la dame en portant à ses yeux un mouchoir trempé de larmes. Vous aurez pitié d'une pauvre prisonnière que le hasard des armes a mise entre vos mains. Je suis la fille du comte Van Durkheim. Ma famille s'empressera de racheter ma liberté dès qu'elle aura eu connaissance du malheur qui m'est arrivé. Ne me croyant pas suffisamment en sûreté dans mon château, je gagnais ce matin avec mes serviteurs la ville la plus prochaine, et j'étais loin de penser que la faiblesse d'une femme ne la mettait point à l'abri des fureurs de la guerre. C'est ainsi que se termina cet entretien. Le capitaine était fort peu causeur, et surtout devant ses soldats. Bien que la comtesse Marguerite Van Durkheim vécût assez retirée, il ne se passait pas de jour sans que Don Ramiro n'eût l'occasion de la saluer, de lui adresser la parole. La difficulté des communications n'avait pas encore permis à la famille de Marguerite de répondre à ses lettres. Celle-ci paraissait plongée dans le désespoir, mais sa tristesse était poétique et charmante comme elle. Parlant fort bien l'espagnol, elle donnait à cette langue, par un léger accent étranger, quelque chose de gracieux et de naïf. Le soir, appuyée contre un balcon de pierre et tenant une mandoline que lui avait prêtée le capitaine, elle chantait les airs de temps plus heureux, et sa voix avait une douceur mélancolique dont les soldats eux-mêmes ressentaient les effets. Après s'être acquitté de tous les soins de son commandement, le capitaine venait se placer dans l'appartement voisin de celui qu'occupait la comtesse. Bientôt, moins farouche, il lui demanda la permission de l'entendre de plus près. Permission qui lui fut accordée sans difficulté, car il ne faut point mécontenter son vainqueur. Don Ramiro passa d'abord une demi-heure dans la société de Marguerite. Le lendemain, sa visite se prolongea d'une autre demi-heure. Deux jours après, elle dura toute la soirée. Ce n'est pas que Ramiro connut le secret de toutes ces phrases empreintes d'une fine fleur de galanterie dont les femmes font le principal mérite des cavaliers. Ce qu'il disait, il le disait sans préparation, comme le cœur le lui dictait, avec la franchise d'un soldat. Attiré vers Marguerite par un sentiment dont il ne se rendait pas compte, il l'admirait parce qu'elle était belle, comme il eût admiré un tableau de Salvator Rosa ou une madone couverte de sa robe d'or et de ses pierreries. L'écoutait-il? C'était moins pour entendre ses paroles que le son de sa voix. Il ne prenait même pas la peine de lui cacher cette admiration, croyant que ce n'était pas là de l'amour. Enfin, tout en la considérant encore comme une ennemie de sa cause, il ne pouvait s'empêcher de lui communiquer ses projets. Et telle était sa confiance en elle qu'il faisait remettre, sans les ouvrir, les lettres qu'elle écrivait à sa famille. Cependant, cette nouvelle préoccupation ne s'accordait pas parfaitement avec les soins de la guerre. Car dans plusieurs escarmouches, les troupes de Don Ramiro eurent le dessous, sans qu'il pût définir le désavantage éprouvé par des soldats exercés contre des mutins à la fois mal disciplinés et mal armés. Essayait-il une sortie? Les Flamands paraissaient en avoir été instruits, et ils se trouvaient sur leur garde. Déjà plusieurs rencontres successives avaient enlevé à la place un certain nombre de ses défenseurs, et c'étaient malheureusement des pertes irréparables. Dans son chagrin, le capitaine accourait auprès de la comtesse, qui, tout en lui avouant qu'elle ne pouvait pas regretter comme lui un avantage obtenu par ses concitoyens, exprimait cependant de la sympathie pour les peines qu'il éprouvait, et Don Ramiro appréciait hautement cette franchise voilée sous les formes les plus aimables. Il ne s'apercevait pas du mécontentement de la garnison qui murmurait contre une telle intimité et accusait le capitaine de négliger le soin de son service. Celui-ci ne pouvait non plus se dissimuler qu'il eût dû passer sur les créneaux les heures consacrées à la comtesse. Partagé entre le sentiment de ses devoirs et un amour dont il n'avait prononcé le premier mot qu'au fond de son cœur, Don Ramiro prit enfin la résolution de ne plus voir Marguerite qu'autant que l'exigerait la politesse. Au moment où, revenant de faire sa ronde et marchant la tête baissée, il cherchait à s'affermir dans sa résolution et être fort contre lui-même, la camériste Brigitte s'offrit à ses yeux. Il fronça le sourcil, comme un homme qui se craint et doute de sa propre énergie. Cependant, il ne put s'empêcher de ralentir le pas et de dire d'une voix émue « Qu'est-ce, Brigitte? Me cherchez-vous ? » « Oui, seigneur commandant. Madame l'ignore, car elle ne serait peut-être pas disposée à recevoir une visite. Elle est souffrante. »« Souffrante ? Je cours à l'instant. Que ne l'ai-je su plus tôt ? Dans ce château, on manque de tout. » Étendue dans un fauteuil, la comtesse Marguerite s'était soulevée languissamment en entendant entrer le capitaine. Un fin sourire avait effleuré ses lèvres et encouragé Don Ramiro, qui se prosterna devant elle. « Vous souffrez, madame ? » dit-il d'une voix émue. « Non, plus maintenant. »« Maintenant, madame ? Au ciel, mais vous me faites entrevoir le paradis. S'il était possible... » « Qu'est-ce donc, seigneur ? Oui, si le mot qui expire toujours sur mes lèvres timides, si ce mot devait trouver un écho dans votre cœur... Je vous aime, madame. Oh, pardonnez-moi. Vous êtes pardonnée. Chère comtesse, soyez bénie. Mais tout nous sépare. Nos deux patries sont devenues ennemies jusqu'à la mort. J'appartiens au roi d'Espagne, et vous, quoi donc ? » dit fièrement Marguerite en fronçant ses blonds sourcils. « Ne m'appartiens-je pas ? Veuve et riche, je n'ai à recevoir la loi de personne. Et quand Don Ramiro m'aura rendu la liberté... La liberté ? Oh oui, il le faudra bien. Et alors moi, je mourrai de chagrin ? Non, seigneur, vous ne mourrez point. J'ai l'espoir que des jours meilleurs ne tarderont pas à luire sur ce pays et à ramener les fêtes à la place des batailles. Écoutez, madame. À peine délivré des insurgés qui entourent mes murailles, je monterai à cheval et vous conduirez en lieu de sûreté. Grâce vous soit rendue, cher Don Ramiro. Vous êtes noble et généreux. Voulez-vous demain me consacrer la soirée ? Je suis bien occupé. Pas assez pour me refuser cette faveur. J'ai dessein de jouer avec vous une partie d'échecs. Quel enfantillage ! De vous battre complètement. De vous enlever toutes vos pièces. Pourvu que je gagne contre l'ennemi, peu m'importe de perdre avec vous. Demain donc, je serai tout à Marguerite. Demain, n'est-ce pas? Comme toujours. » Don Ramiro s'éloigna, le cœur inondé de joie. À peine était-il rentré chez lui, qu'un de ses lieutenants demanda à lui parler pour affaires pressantes. Leur entretien fut aussi long que mystérieux. À la suite, il y eut dans le fort un grand mouvement d'armes et de préparatifs de défense. Le lendemain, vers 6 heures du soir, Don Ramiro se présenta chez la comtesse. Elle témoigna de l'étonnement en le voyant couvert de sa cuirasse, comme s'il venait du combat ou se préparait à y courir. « Et quoi ? » dit-elle. « Est-ce dans cet appareil militaire qu'on vient jouer une partie d'échecs ?»« J'en conviens, madame, » répondit gravement l'Espagnol. « Il eût été plus convenable de me rendre près de vous en costume galant, en pourpoint de soie ou de velours. Mais que voulez-vous ? La guerre ne nous accorde jamais que des trêves et non un repos absolu. Il faut donc être toujours prêt à risquer sa vie, lors même qu'elle vous est le plus chère, en admettant toutefois que la vie soit chose de quelque prix. « Bon Dieu ! Quelle disposition mélancolique ! Cela ne durera point, j'espère, car il faut que vous soyez attentif. Et si je vous gagne, je vais gagner en conscience. Tenez-vous beaucoup à gagner, madame ? Certainement, mon honneur y est engagé, votre honneur. Mais c'est très sérieux, et vous comprenez que je dois prendre toutes mes précautions pour n'être point vaincu sans avoir résisté. Eh bien, commençons donc. » La table fut préparée par les soins de Brigitte, et la partie s'engagea. Un observateur attentif eût pu remarquer chez le capitaine Zurbano quelque chose de sombre, de préoccupé. Une sorte de contraction nerveuse lui faisait saisir, comme par un mouvement convulsif, les pièces échelonnées sur le damier. Son regard, ordinairement fixé par une involontaire fascination sur la belle comtesse, se détachait d'elle et errait vague et indécis. On eût dit que ce charmant visage avait perdu tout son prestige aux yeux du chevalier, et que la présence de Marguerite exerçait sur lui l'effet produit par la vue d'un être dangereux et nuisible. Aux questions qui lui étaient adressées, il répondait le plus brièvement possible et d'une voix altérée. Cependant, la partie continuait avec des chances égales pour les deux joueurs, lorsque Don Ramiro se leva en s'écriant « N'entendez-vous rien ?»« Rien, » dit la comtesse avec un gracieux sourire. « Tout est calme autour de nous. Il n'y a que vous, seigneur, dont le cœur soit agité. Ne devriez-vous pas songer à mieux vous défendre contre moi ? Oh, je ne vous ferai pas grâce d'abord. Je tâcherai, madame, de n'avoir pas besoin de votre merci. » Le jeu recommença. Soudain, une vive lueur éclaira la salle et fut suivie de 3 coups de canon. Don Ramiro bondit alors sur son siège et se dressant de toute sa hauteur devant la comtesse. « Madame, vous n'aurez point gagné la partie car hier au soir, j'ai appris de quelle manière vous jouiez aux échecs. Mes dispositions ont été faites immédiatement pour repousser une attaque décisive qui devait être tentée à l'heure même où nous sommes et me prendre au dépourvu. Je vous félicite sur vos rares talents. Vous n'oubliez que 2 choses, mon déshonneur et ma mort. Mais vos vœux, je l'espère, ne sont pas exaucés, et les traîtres qui vous ont envoyés ne pourront point vous féliciter. » 1 heure après, Don Ramiro était rapporté par ses soldats presque inanimés. Un dernier coup de mousquet, tiré par les flamands dans leur fuite, avait frappé le brave capitaine. Le sang inondait la belle figure de l'Espagnol, mais la tristesse se peignait encore mieux que la souffrance sur ses traits contractés. Il commanda qu'on fît venir la comtesse. Celle-ci paraissait en proie à la plus violente agitation. Ramiro ne la regarda point. « Madame, » dit-il à voix basse, « vous êtes libre de partir. Une escorte vous sera donnée. J'attendais pour vous rendre à votre famille que l'ennemi fût loin des murs de cette place. Contre l'attente de ceux qui avaient promis de nous livrer, nous avons été vainqueurs. J'ignore si le succès ne me coûtera pas la vie, mais qu'importe, ma vie est désenchantée. « Don Ramiro !» s'écria Marguerite en fondant en larmes. « C'est assez, madame, je ne vous retiens pas. » On emporta la comtesse évanouie. 1 an après, il y avait dans un antique manoir aux environs de Madrid un jeune hidalgo que des souffrances précoces semblait avoir condamné à un repos absolu. Toujours silencieux, fuyant toute compagnie hors celle d'un vieux serviteur, il se complaisait dans une vie de deuil et d'austérité. À voir sa physionomie martiale, on pouvait juger que c'était là une victime de plus des guerres de son époque. Parfois, il s'indignait de son oisiveté forcée, mais ses accès de retour vers le monde actif étaient très rares. Son château s'ouvrait indistinctement aux riches voyageurs et aux humbles pèlerins. L'hospitalité n'y connaissait pas plus de distinctions que de limites. Une nuit d'orage, la cloche du dehors fut agitée, et le fidèle Antonio s'empressa d'aller abaisser le pont-levis. Deux femmes, soigneusement voilées et montées sur des mules, se présentèrent, et d'une voix émue demandèrent l'hospitalité qui leur fut aussitôt accordée. Le vieux serviteur les conduisit dans une pièce attenant à la chapelle. Le vent de la Sierra soufflait avec violence, la pluie précipitait le cours des torrents. Par intervalles, la foudre roulait aux cieux comme un char d'airain. Tout sommeil était impossible. Le seigneur du manoir était allé chercher dans la chapelle un calme qui fuyait sa couche. Il s'était agenouillé dans un angle formé par la balustrade en marbre du maître-autel. Son cœur seul priait, et non ses lèvres. Une ombre se glissa dans la chapelle. À ses pas légers, on eût aisément deviné que c'était une femme. À peine fut-elle devant la Sainte Madone, dont la statue recevait la lueur d'une lampe d'argent, que se jetant à genoux, elle s'écria d'une voix entrecoupée de sanglots. « Je suis à vos pieds, ô Mère du Sauveur. Vous, qui lisez au fond de mon âme, vous connaissez mon repentir, et vous savez si mes larmes sont sincères. Hélas, il faudra donc partir demain, pauvre pèlerine, sans avoir revu mon cher Ramiro. Car je le sens, à présent que je suis près de lui, je n'oserai pas lui montrer les traits de la femme qui voulut d'abord le trahir. Oh, je me suis prise dans mes propres artifices, et si Don Ramiro a souffert par moi, maintenant je souffre bien pour lui. » En ce moment, une sorte de cri étouffé se fit entendre dans la chapelle. Saisie de terreur, Marguerite s'était retournée et fixait les yeux sur une espèce de fantôme qui s'approchait d'elle. Celui-ci avait le front voilé d'un capuchon de moine. Il prit Marguerite par la main, la conduisit silencieusement tout près de la statue de la Sainte Vierge, et là, se découvrant le visage, « Tu es pardonnée, dit-il aux pécheresses. Emporte avec toi le repos, et sois certaine qu'une voix de plus priera toujours pour toi, dans le couvent où je vais m'ensevelir demain. « Au ciel !» s'écria la comtesse. « Tu ne me méprises plus, mon bien-aimé. » « Non, Marguerite, car j'ai vu tes larmes. Et maintenant, que pour toi j'ai tout quitté, me fuiras-tu, moi, pauvre femme, n'ayant que tes regards pour être heureuse ? Demain, vous connaîtrez mes dernières résolutions. Rentrez chez vous. Vous avez besoin de prendre du repos. Je vais méditer devant Dieu. » Le lendemain, les cloches de la chapelle appelèrent les vassaux à une pieuse solennité. Le ciel rasséréné étalait son bleu le plus pur. Marguerite, étonnée de tout ce mouvement dont elle ne connaissait pas la cause, était plongée dans la plus vive inquiétude. Un page entra et la prévint que Don Zurbano demandait à être admis auprès d'elle. Un instant après, Ramiro parut. Un élégant costume de velours violet faisait ressortir la grâce de son maintien. La joie avait dissipé les ombres de son front. « Et quoi ? » dit-il, « ma noble fiancée, vous n'êtes pas prête encore à marcher à l'hôtel ?»« Votre fiancée, moi ?» murmura la comtesse. C'était donc des préparatifs de fête qui animaient ce château. C'était le bonheur que je m'assurais, et je viens le réclamer. Ainsi s'achève la partie d'échecs par Alfred des Essarts.